run the streets, motherfucker. Check it. Radure. Remix. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, check et range ton keglo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, redevant ton vélo. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, range ton keglo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, négro, range ton keglo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Bah les coups de tous ces négros qui jacquent dans mon dos, négro. Bah ouais. On a tiré sur les terrains militaires, bah les coups de fucking guerre des égos. J'ai un pied dans le guet, l'autre vient de sortir de l'instant. Mais chez gay, vont t'allumer ta mère, négro, même si t'es costaud. A peine 7 mois que j'suis dans le game, et la street m'a validé. J'envoie du lourd, c'est pas méchant, comme Pépé Rose, c'est la qualité. Yoga, noulé, yoga, yoga, noulé, yoga, yoga. Pour un gros bif ou des socos, négro sort à couler, couler. 5,56 pour le taf, 7,62 pour les fumées. Tu vises la coque sur les balles de mon calibre pour tous les enrhumés. Négro, négro, négro, négro, négro, hit. Tractionne la barre à l'arme au placard, on prend pas l'enfant mystéro, hit. Mon négro, tu m'aimes pas, mais dis-moi pourquoi t'écoutes. Prends de leur équipe de bras cassés qui peuvent même pas serrer les coudes. J'donne de la force à tout le monde, mais j'ai pas vu de partage. Façon soldat, j'me barre de ce monde, j'vais y laisser mon buzz et mon pactage. Pour mes Kuluna de Kinshasa, pour mes Cheke Brasda, pour puis mon Bolo Kono qui sortait vite, Free Sakai Masata. 130 000 vues par-ci, 60 000 vues par-là. J'en ai un à foutre du buzz, j'suis juste venu faire kiffer mes scars-là. Gradurie plus sa mère, ouais c'est un tel en moins cher. Négro militaire, je vais t'allumer ta mère. Comme ça tu vas prendre cher. Je vais pas te le dire mille fois. Tiens ta langue quand tu parles dans les justices. On sent pas les coups du rap, tous mes chégués claquent l'argent gagné dans les pestus. Putain qu'est-ce qui t'a pris gradi à vouloir te mettre dans le pura. Y'a même pas des profs que des langues de pute, ils appellent ça des gars. Putain, putain, merde. Putain, putain, merde. J'ai juste à ouvrir la bouche pour mettre des putes à terre. Laissez-moi prouver ou laissez-moi crever. J'ai que 23 piges, Wallah et Bilal qui vont tous le regretter. Wallah et Bilal qui vont tous le regretter. 23 piges, j'ai gay quand je vais crever. Wallah et Bilal qui vont me regretter. Gradure, j'ai gay terre. Niamak. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, shake et range ton keglo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, redevant ton vélo. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, range ton keglo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Et l'homme vert, Kimcha, Nida, Ibra, Brandon, Ron, ouais, Books, Sandro, Danny, Kaïbs, Cozy, Ringo, Cyril, Gann, Wesley Sleazy, on vous oublie pas. Je suis pas un négro vénère.